This is California Spirit with Chris Morris. Salut à tous, épisode 8, saison 4 de votre musical California, Spirit Radio Show. Et est-ce que cela vous dirait de caler du vinyle pendant toute cette heure? Histoire peut-être de se rappeler des meilleurs souvenirs que vous avez vécus dans les années 80, j'ai donc décidé d'élaborer une playlist de hits West Coast, certains oubliés mais d'autres toujours diffusés sur les radios californiennes, dites oldies et relayés par votre musical. Allez, c'est parti avec Nicolette Larson, ça date de 82, Talk to Me, c'est le titre, et c'est extrait de son album All Dressed Up and No Place to Go. Welcome, c'est Chris Morris pour cette énième Vinyl Sessions dans votre poste de radio préféré. With music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans cette 100% vinyle sessions. Avec à l'instant Mr. Michael McDonald, I Keep Forgetting, extrait de cet album de 1982, If That's What It Takes, donc. Et retrouver, bien entendu, eh bien, des crédits, beaucoup de crédits, tels que Jeff Porcaro à la batterie, Louis Johnson à la basse, Steve Lukather à la guitare, le fameux Greg Phillinganes au clavier, et puis, bien entendu, Michael McDonald au Thunder Rhodes et puis au synthétiseur. Quant à Maureen McDonald, sa sœur, eh bien, elle assurait le background vocals. La suite avec Donald Fagen, Hi G Hi, extrait de son premier album solo. Le duo Donald Fagen, Walter Baker s'est séparé le temps de ce disque, formidable disque. Hi G Hi, California Spirit Radio Show, Chris Morris. Glorious. on Sunset Boulevard with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Tears for Fears, un instant avec Advice for the Young at Heart, peut-être l'un de mes titres préférés et d'ailleurs très californien, et cet extrait de cet album The Seeds of Love de 1989. was hard, so hard to take. There's no escape without a scream. But you kept it going till the sun fell down. You kept it going. Plus en Texan, on fait pas, c'était The Cars avec You Might Think, et cet extrait de cet album de 1984 qui s'appelait Heartbeat City. California Spirit Radio Show, your smooth sound drive on Sunset Boulevard. So. Christopher Cross dans le Transistor. Avec ce titre de 84, A Chance for Heaven. Titre, eh bien, qui représentait les JO de 1984, donc les JO de Haley. Écrit par Burt Bacharach et Carol Baeyer-Seger. Et on reste avec Christopher Cross avec ce double play. Extrait de cet album de 83, Another Page. No Time for Talk avec Michael McDonald dans les chœurs. Time is cold, I can't stand to hear the truth. Somehow I won't believe it till I've heard it from you. There's no time for talk, and there's no place for tears. For the best vinyl sessions of the 70s and the 80s. Only on California Spirit Radio Show, Chris Marks. Mm-hmm. Chris Morris is on your best radio station. Gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy. Mais vous vous rendez compte, ce titre a juste 42 ans, 1976, et pas une ride. Buzzcocks, Low Down, extrait de cet album Silk Degrees, où on retrouvait eh bien, des crédits impressionnants comme d'hab dans la West Coast Music. David Paich, Jeff Porcaro, David Enget. Et la suite, cet extrait d'un album de 1980. The Jacksons. lies in every way. And I know what you're playing with every guy in town. So this time I'm saying, you won't pull me up and down. Ah, qu'est-ce que c'est bon! The Jacksons, donc, extrait de cet album Triumph. Your Ways. Avec encore dans les crédits, que j'adore vous énoncer les crédits. Keyboards, Greg Feeling Gaines. À la guitare, Tito Jackson, Danny Williams, Philip Church. À la basse, Nathan Watts. Aux percussions, bien entendu, Paulino da Costa. Et puis, bien entendu, en lead vocal, Michael Jackson. Masterpiece on California Spirit Radio Show. Here's to the exception, propose a toast to me. probably true. Here's to the exception. Propose this toast to me. No whispering, please. I'm always on the run for things I swear I never done. You think I'm just having fun, but the truth is it's driving me crazy. Cette fille est complètement divine. Valérie Carter, donc. Crazy, extrait de cet album Wild Child de 1978. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette émission spéciale vinyle California Spirit Radio Show. Hitchhike along with Chris Morris on the highway of classic hits, California Spirit Radio Show. Chris Morris is on your best radio station. C'est une véritable perle dans l'univers West Coastien, à savoir Peter Allen, Not the Boy Next Door, extrait de l'album du même nom en 1983. Qui oserait maintenant passer, eh bien, 6 minutes 56 d'un titre ? Eh bien, pas grand monde. Complètement, oui. California Spirit Radio Show, the best all around the world. Stay with you. When did I ask you to? I'd have to cut myself and do another girl's. le groupe Kitron Coconuts, My Male Curiosity. ...1984, Auguste Darnell rejoint cette BO du film Against All Odds, en version française Contre Toute Attente. Allez, refrain. Et la suite, Heart and Soul, Huey Lewis and the News, extrait de cet album Sports de 1983. Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre, California Spirit Radio Show, Chris Morris. California Spirit Radio Show, that West Coast coolness wherever you are. Ah, comment ne pouvions pas eh bien tomber amoureux de Olivia Newton-John dans les années 80, même en 78, en voyant la pochette. Ravissante jeune fille à l'époque. Little More Love, extrait de cet album de 78, donc Totally Hot. Et les crédits, eh bien, sont encore d'une qualité incomparable. Lenny Castro à la percussion, John Farrar et Steve Lukather à la guitare, et puis David Nguyen à la basse. Eh bien, voilà. En ce qui nous concerne, c'est terminé. C'était le dernier titre de cette programmation. On se retrouve, eh bien, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Soyez sages. À ciao. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.